Chapitre 21. Apostat. Il était singulièrement dénué de toutes sortes de triomphes quant à la manière dont il avait à la fois ménagé son évasion et provoqué la catastrophe de ses meurtriers désignés. Son esprit était plein d'étonnement, de crainte et de stupeur. Plus il réfléchissait à l'aventure, plus étrange et inexplicable elle lui apparaissait. Il n'avait pas songé à défier la meute et à s'échapper facilement, mais il ne prévoyait pas non plus qu'elle s'efforcerait avec tant de persévérance à le discipliner aussi longtemps qu'il se tenait hors de son chemin et suspendait ses activités criminelles. Une recrue de mauvaise volonté est pour un parti un traître en puissance. On n'a pas à craindre un concurrent qui a renoncé. Apparemment donc, Wertheimer n'en avait pas cru ses protestations, ou bien Bannon avait rejeté le rapport qu'avait dû lui faire la jeune fille. Dans les deux cas, la meute n'avait pas attendu que le loup solitaire prouvât son manque de sincérité. Elle ne s'était pas mise en peine de lui déclarer la guerre. Elle s'était bornée à frapper. Avec moins d'avertissement que n'en donne un serpent à sonnette, elle l'avait frappé, surgissant des ténèbres, dans le dos. Et de même, se jurait âprement Lagnard, lui aussi allait frapper, maintenant que c'était son tour, maintenant que son heure était venue. Mais il lui donnait beaucoup pour avoir la clé de l'énigme. Pourquoi lui imposait-on la nécessité de frapper pour se défendre? Pourquoi lui lançait-on ce cartel, à lui qui ne demandait rien d'autre que d'avoir la paix? Il sentait bien que la cause n'en était pas uniquement la jalousie professionnelle de deux Morbihan, Popinot et Wertheimer. C'était surtout l'étrange et rancunier dépit qui animait Bannon. Mais encore une fois, pourquoi? Était-il possible que Bannon lui en voulût à ce point pour l'aide et l'encouragement qu'il avait donné à la jeune fille lors de sa tentative avortée d'évasion? Ou était-ce peut-être que Bannon rendait Lagnard responsable de l'arrestation et de la mort de Greg? Était-il possible qu'il y eût réellement quelque chose de positif au fond de la bracadabrante histoire de Wertheimer concernant le bas monde international sans limitation, si prétentieusement dénommé? Était-ce réellement la preuve de leur intention de supprimer la concurrence et d'arrêter les frais? Ou fallait-il chercher quelques motifs moins superficiellement tangibles? Bannon cachait-il quelque secrète et personnelle animosité contre Michael Lagnard lui-même, indépendamment du loup solitaire? À force de retourner les problèmes sous toutes les faces et sans résultat, il finit par se mettre dans une belle rage d'exaspération. Il se jura qu'il accomplirait cet unique coup suprême, se réfugierait en Angleterre jusqu'à ce que l'affaire fût enterrée, et en temps opportun, reviendrait à Paris pour dénoncer deux Morbihan, à supposer qu'il survécut à l'accident du bois, exterminer Popinot, forcer Wertheimer à se retirer pour toujours dans le Dartmoor et exiger des comptes de Bannon, dût-il périr en même temps que ce valétudinaire exhalerait son dernier soupir. Dans cette humeur, il arriva, après 1 heure du matin, sous les murs de l'hôtel Humbert et choisit prudemment un nouveau point d'attaque. Au cours de son précédent examen des murs, il ne lui avait pas échappé que leur maçonnerie de briques et de mortier était en mauvais état. Il avait noté plusieurs endroits où le temps avait rongé complètement le revêtement de plâtre. Devant l'un de ceux-ci, à mi-chemin entre l'avenue et la bifurcation des rues secondaires, il s'arrêta. Comme il l'avait prévu, le mortier qui tenait les briques ensemble s'effritait sous les doigts. Ce lui fut donc un jeu d'enfant que d'enlever l'une d'elles et d'obtenir ainsi une marche du haut de laquelle il put saisir avec sa main gantée le faîte garni du verre du mur, y étaler son imperméable pour se protéger des coupures, et s'élancer d'un bond par-dessus la muraille. Mais là, pour 1 minute, il fit halte, indécis et tremblant. Dans cette position exposée et incommode, avec la rue déserte d'une part et le noir mystère du parc abandonné de l'autre, il fut saisi et ébranlé par un soudain retour de sentiment, pareil à une défaillance de toute l'âme. La crainte physique n'avait rien à faire là-dedans, car il était bien seul et personne ne le voyait. Dans le cas contraire, ses facultés exercées durant sa vie à pareille besogne et maintenant parvenues à leur apogée n'eussent pas manqué de l'avertir de tout péril susceptible d'échapper à des sens plus grossiers. Néanmoins, il avait peur, comme si la crainte elle-même s'était emparée de son âme et refusait de la lâcher tant qu'il ne se serait pas vu lui-même sous son vrai jour. Il avait peur, d'une grande peur, telle qu'il n'avait jamais imaginé en connaître, bien qu'il connût le recul de la chair devant le risque de douleur, le hérissement de l'esprit en présence de la mort, et cet effroi qui l'avait empoigné l'autre matin dans la chambre du pauvre Roddy. mais rien de tout cela ne lui avait inspiré une crainte comparable à celle qu'il éprouvait maintenant, si intégrale qu'il tremblait comme une âme nue en la présence inexorable de l'Éternel. Il avait peur de lui-même, peur de cet étrange et incompréhensible moi qui se cachait en lui, de ce moi mystérieux et masqué dont l'impénétrable fantaisie devait faire de lui un homme d'honneur ou un homme vil, de ce moi impalpable et fuyant comme une ombre, mais d'une force invincible, son maître et son destin, à la fois le tombeau d'hier, le réceptacle d'aujourd'hui, le giron de demain. Il leva les yeux vers les visages fatigués et mornes de ces vieux bâtiments qui le regardaient par-dessus la rue de leurs fenêtres aveugles et sans lumière, dormant sans soupçonner qu'il s'était glissé parmi eux, lui, l'être sinistre et terrible, qui rôdait dans la nuit, le loup solitaire, créature de pillage et de rapine, esclave mené par ce moi qu'il ne connaissait pas de loi. Peu à peu, cette obsession s'évanouit comme un cauchemar qui s'éloigne, et avec un sursaut, un petit frisson et un soupir, Lanière se secoua et continua d'exécuter les ordres du moi en vue de ses fins insondables. Se laissant tomber sans bruit sur l'herbe molle et humide, il se confondit avec les ombres du parc jusqu'au moment où il reparut sous les étoiles pour traverser une pelouse qui s'étendait vers l'immeuble jusqu'à l'aile de la bibliothèque. Arrivé là, il s'approcha d'un petit balcon de pierre qui se projetait en saillie à 8 pieds au-dessus de la pelouse, élévation si peu considérable que d'un bond, empoignant sa balustrade de pierre, l'aventurier sauta dessus en une couple de secondes. Les hautes fenêtres à la française qui s'ouvraient sur le balcon ne lui offrirent pas plus grand obstacle. Un canif enleva vite le mastic desséché autour d'un petit vitrail en losange, puis souleva le vitrail lui-même. Une main passée par cette ouverture saisit et tourna la crémone. Une pression ménagée ouvrit les deux battants assez pour introduire sa personne, et il se trouva dans la bibliothèque. Il n'avait fait aucun bruit, et grâce à sa connaissance des lieux, il n'eut pas besoin de lumière. Le paravent vermillon lui offrait toute la protection désirable. Et parce qu'il voulait accomplir son dessein et être hors de la maison dans un délai minimum, il ne se donna pas la peine d'explorer les salons voisins, si ce n'est d'un coup d'œil rapide et superficiel. L'horloge sonnait les 3/4 quand il s'agenouilla derrière le paravent et saisit le bouton de la combinaison. Mais il ne le tourna point. Le son mélodieux du timbre s'évanouit lentement et le laissa sidéré. Là, dans l'obscurité silencieuse, les yeux fixés dans le noir sur le vide, les mâchoires contractées, le front plissé et moite de sueur, les mains crispées au point que ses ongles lui entraient dans la chair. Et pendant ce temps, sa pensée regardait en arrière, par-dessus un abîme béant, entre le loup solitaire et cette nuit, et l'homme qui, moins d'une semaine plus tôt, s'était agenouillé en ce lieu, en compagnie de la femme qu'il aimait, occupé à faire restitution afin que son âme fût sauvée, à cause de la foi qu'elle avait en lui. Des minutes passèrent à son insu. Mais à la longue, il redevint plus calme. Ses mains se relâchèrent. Les rides de son front disparurent. Il respira plus lentement et plus profondément. Ses lèvres serrées s'entr'ouvrirent et un profond soupir s'échappa dans le silence. Avec l'impression d'une grande lassitude, il se releva pesamment du parquet et se tint droit, délivré enfin et à jamais de ce mal ancien qui avait si longtemps maintenu son âme en servitude. Et à ce moment de victoire, parmi la profonde paix qui régnait dans la maison, il perçut un bruit de pas mal étouffé qui s'avançait sur le parquet de l'antichambre de réception.